J'aime bien la tranquillité, mais là c'est un peu exagéré. J'ai atterri dans une ville qui bouge encore moins qu'un fossile. Film merdique au cinéma, la vieille ouvreuse ne sourit pas. Le festival de Pâques, mes cœurs, je préfère celui des accroche-cœurs. Exposition de céramique, spectacle soi-disant comique. Carrière d'alcool brutalement stoppée, pas de vrai bar pour se torcher. Coincé dans cet affreux boulot, collègue cuit du ciboulot. Les sales blagues de la cantine me feraient préférer la famine. Je ne voudrais pas croupir à Chartres. Je ne voudrais pas moisir à Chartres. Je ne voudrais pas aigrir à Chartres. Je ne voudrais pas pourrir à Chartres. Les caissières du Monop ont un vrai don pour me refiler leurs pauvres bourdons. Si je me réfugie chez le guet, je croule sous les derniers becs BD. J'évite de traîner à la Fnac, le vigile trifouille dans mon sac. Je me fais avoir une fois sur deux en achetant un disque dégueu. Je ne voudrais pas finir à Chartres. Je ne voudrais pas rancir à Chartres. Je ne voudrais pas pourrir à Chartres. Je ne voudrais pas mourir à Chartres. Comme une anguille dans la nasse, je me débats mais je me lasse. Car mes poumons sont rabougris et mon visage devient tout gris. La tête dans un sac plastique, avalé de l'acide sulfurique. Ou un couteau à pain électrique, mettre fin à ma vie pathétique. Morceau de cervelle sur le mur blanc, tournevis planté dans le tympan. Placer ma tête sous la roue d'un car, m'immoler, place des épars. De la cathédrale sauter dans le vide, briser mes nuits par un suicide. Mais mon psycho n'est pas sûrant malgré ses 10 années de divan. Je ne voudrais pas claquer à Chartres. Je ne voudrais pas crever à Chartres. Je ne voudrais pas m'oxyre à Chartres. Je ne voudrais pas mourir à Chartres. Quelqu'un? Non mais vous êtes où? Où est-ce qu'ils sont passés? Me laissez pas tout seul. Mais revenez. Allez quoi?